Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les années 90 en musique. Bonsoir, la nouvelle a semé la consternation. Le chanteur rock André Fortin est mort, le leader des Colocs avait 38 ans. Son corps a été retrouvé dans son appartement du plateau Mont-Royal à Montréal. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un meurtre ou d'un suicide. L'annonce de la mort de Dédé Fortin le 10 mai 2000 crée une véritable commotion au Québec, chez les moins de 40 ou 45 ans en particulier. En 10 ans de carrière et avec leurs 3 disques, Dédé Fortin et les Colocs ont déjà imprimé leur marque dans le paysage musical québécois et la musique des Colocs restera à jamais associée à la musique des années 90 chez nous. Une autre mort qui va ébranler dans cette même décennie des années 90, la génération X en particulier, c'est celle de Kurt Cobain en 1994. Kurt Cobain et Nirvana qui vont incarner le mal-être de toute une génération, en plus de participer au lancement de la mode grunge. Et puis les années 90, ce seront aussi celles, peut-être d'une autre mort, l'industrie du disque. En tout cas, ce sera les années Napster, ce logiciel qui va révolutionner la manière dont on écoute et dont on consomme la musique. Messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Jean Leloup et son succès 1990, chanson toute désignée pour commencer cette émission consacrée aux années 90 en musique. Pour nous raconter cette décennie en musique, le journaliste, les journalistes du Devoir, c'est le 2-pour-1 aujourd'hui. Sylvain Cormier et Philippe Papineau, messieurs, bonjour. Bonjour. C'est le même prix. Bonjour. Et la chargée de cours à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, doctorante en communication, Nadia Serayoko. Nadia, bonjour. Bonjour, bonjour. Je le précise aussi, chroniqueuse à l'émission La Sphère. Tout à fait. Dans les technos. Dans les technos, voilà. Donc, vous avez compris, Nadia sera là surtout à la toute fin pour nous parler de Napster, de cette révolution Napster. Premier tour de table d'abord, tous les trois. Quand on vous parle des années 90, de cette décennie-là, qu'est-ce qui tout de suite, spontanément, vous vient en tête? Sylvain Cormier. C'est pour moi la décennie tactile. Après les années 80, aseptisés, pomponnés, cheveux sodo, eh bien là, on se met à se rentrer dedans dans les spectacles et on se met à se toucher profondément. Puis on a des artistes qui nous touchent. Ouais. Nadia Serayoko? Moi, évidemment, c'est le web. Hein. C'est le web qui déjà commence en 90. Oui, ouais. Effectivement. Et comme j'étais déjà une maniaque de techno à ce moment-là, de musique aussi, hein, j'étais en avant, moi, dans les shows, Sylvain, et je recevais des coups de pied, mais j'en donnais aussi. Or, vous étiez dans le tactile, vous-même. Oui, c'est ça, j'y étais, mais ouais, aussi dans le web. Déjà, ouais, le début des années 90, on offre le fameux le 3W hein, qui est là, et on commence à pouvoir accéder à Internet de façon plus démocratique. Mm-hmm. Et pour moi, ça a été vraiment marquant, parce que c'est là vraiment, je dirais que un peu la carrière même a pris un tour différent pour moi. Puis le passage, ce fameux passage, puis c'est vraiment ça. Là, on est à peu près de la même génération où, mm-hmm, à l'université, on passe des fiches à la bibliothèque tout papier au début de l'ordinateur. Oui, à des systèmes de recherche, exactement, etc. Et au courriel à l'université, ouais, qu'on n'avait pas accès, ouais, quelques années plus tôt. Philippe Papineau? Ben, je dirais qu'en musique, c'est aussi le transfert pour moi de la cassette au CD. Début, les premiers disques que j'ai achetés, c'était en cassette. On enregistrait la radio, on enregistrait les meilleures chansons qu'on aimait, des grands palmarès, des grandes radios, et puis on faisait des mix avec, oui, ça. C'est pour moi, c'est ces souvenirs-là avec toujours les petits bouts du micro avant et après de l'animateur, parce qu'on n'était jamais vraiment capable de faire le stop play record au bon moment. On voulait, mais ça marchait pas. Et les lecteurs CD, le Walkman CD, qui, sautaient parfois qu'on marchait avec, mais c'était un des symboles forts des années 90. On mettra une petite note sur le site Internet de l'émission. Petite note explicative pour les plus jeunes, qu'est-ce qu'un Walkman? La nouvelle s'est transmise comme une traînée de poudre sur le plateau Mont-Royal où il habitait depuis un an. Dédé Fortin, le chanteur des Colocs, a été trouvé mort dans son appartement par des proches qui n'avaient pas de nouvelles de lui depuis dimanche dernier. Comme il n'y avait pas de réponse, ses amis sont entrés par la fenêtre arrière de l'appartement et c'est là qu'ils ont découvert son corps étendu dans le salon. C'est la deuxième tragédie qui s'abat sur les Colocs. En 1994, l'harmoniciste Patrick Esposito décédait des suites du sida. Maintenant, c'est le chanteur rebelle qui disparaît dans des circonstances tout aussi tragiques. Bon, laisse-moi pas tomber! j'ai encore un, cette finale-là, avec ce qu'on sait, me fait encore un pincement au cœur. Sylvain Cormier, la Terre tremble, le 10 mai 2000. Surtout, je le disais au tout début de l'émission, pour les 40, 45 ans et moins, là, il y a quelque chose qui vient de nous frapper en pleine face, la mort de Dédé Fortin. Pourquoi ça vient tant nous chercher? Ben, il était la vie. Il était la vie dans ce que la vie a de plus extrême. Les spectacles des colocs, lui comme personne, était effervescent, pétillant. Avec lui, on avait de l'énergie. On vivait pas, de mon point de vue à moi de journaliste, le côté sombre autant. Alors, ce qu'on avait, nous, c'était la charge des spectacles et la charge des disques. Et tout ça nous donnait envie de vivre extrêmement. C'était le party, les colas. C'était l'énergie, c'était la vie, comme vous le disiez. Oui, et c'était la kébistitude profonde avec l'ouverture au monde en même temps. Et tout ça nous nourrissait extrêmement. Et donc, ben, on était pris de court, c'est le cas de le dire. Et ça nous montre cette mort-là. On réalise aussi l'importance, déjà, parce que ce groupe-là a fait 3 disques seulement, c'est une dizaine d'années, mais l'importance qu'ont eu les colocs dans les années 90, on réalise ça aussi à la mort de Dédé Fortin. Moi, j'ai vu le tout premier spectacle des colocs en 90 au Festival international de rock de Montréal. C'est là que ça commence, Sylvain, à peu près? Ben oui. Ben, en fait, ça se met à être un peu plus connu au moment de l'Empire des futures stars, où ils participent. Puis ensuite, par le premier disque, par le clip de Julie. Et bon, ça se passe très vite ensuite. Ouais. Et ce qu'on comprend très rapidement, c'est qu'ils nous représentent complètement dans notre enracinement et dans notre modernité. Ouais. Ils sont à la fois full keb et ils sont complètement ouverts au ragtime, au rockabilly, aux musiques du monde. Dire c'est pas long que les frères Diouf vont se retrouver là, que Van Der de Belgique va se retrouver dans le groupe aussi. C'est très inclusif. C'est ça, voilà. Tout en étant extrêmement du lac. Oui. Tout en venant de Saint-Thomas, Didyme et de Normandin. C'est toutes des identités fortes qui se rencontrent. Voilà, c'est ça. C'est un groupe qui est complètement fort dans son identité propre québécoise, ce qui, justement, lui permet de s'ouvrir à l'autre comme rarement on le fait. Puis ça, vous avez la chance. Donc, en 90, là, vous êtes dans les, passez-moi l'expression, les Happy Few, parce que c'est vraiment en 93 avec le premier disque que ça va décoller. 90, vous êtes déjà là. Ce qu'on va entendre, c'est 92. Il n'y a pas encore tant de monde qui sait qui sont les colocs. Festival d'été de Québec, en 92, ils font une première partie. C'est là où ils en sont dans leur carrière, les colocs en première partie, mais c'est déjà un premier tremplin pour eux. Aujourd'hui, Julie a 20 ans et est mariée depuis 2 ans. Avec un gars, tu cliques, mais je lui dis qu'il y a un petit bel accent. Je lui dis, t'es-tu quoi? Elle a fait peindre ses beaux cheveux. T'es du platine comme Marilyn. On s'est parlé une couple de fois au téléphone, c'était ma femme, mais on ne peut plus. Hey, on se connaît pas beaucoup, là. Je ne connais pas non plus. Je connais pas beaucoup Québec. Ils avaient un super cœur de festival. Félicitations. On se veut plus pantoute. C'était pas si jeune, j'suis un pis. Dis-toi que j'suis un gars patient pis. Viens me voir quand t'auras 20 ans. Viens me voir quand t'auras 20 ans. La finale donnait l'idée du spectacle, de ce qu'il y avait eu comme spectacle, et c'était très fort, les gens étaient debout. Les colocs n'ont aucun album encore, et malgré tout, ils étaient donc sur la grande scène du Pigeonnier, et samedi soir, ils ont marqué des points, je crois, et cette valeur, ils ne sont pas en nomination, si on peut parler ainsi, pour le prix, parce qu'il faut avoir un disque pour être éligible à la remise du prix de la chanson francophone, donc on ne réentendra pas parler dans le cadre de ces prix-là, mais je pense que c'est un groupe à suivre. Dans les jeunes groupes rock qui montent, là, c'est un groupe à suivre. Aujourd'hui la télévision est venue nous voir pour constater l'état du désespoir. Un couple sans-abri à la veille de Noël, ça c'est un beau sujet pour le show des nouvelles. La caméra d'en face, j'y faisais des grimaces. Mais qu'est-ce qu'ils font là à filmer ma carcasse? Et pour un reportage sur les plus démunis, je voudrais savoir ton nom, voudrais voir ton taudis. J'appelle pas des taudis, m'appelle moi j'ai tout seul. On met les points CI, oh ben mon point sa gueule. Golden Johnny travaille pour les Yuppies. Si j'avais le droit de voter, ben je voterais pas pour lui. Y'a l'armée du salut, pourquoi tu vis dans la rue? Et tu fais pas, je pense pas, puis je vais raconter des buts. Les Colocs, un groupe à suivre, dit François oui, Blain. Un homme perspicace. Oui, c'est ça. Au micro de Marie-France Bazot en 92, ouais. Mais déjà, donc, on voit qu'il y a quelque chose là. Et ça va démarrer. Vous le disiez déjà, Sylvain Cormier, mais 92, il y aura ce concours après. Oui. Le disque, le clip de Julie, le disque en 93. Mmh. Quand ça décolle pas à peu près. Ça va vite. Oui. Ça va très, très vite. Et de spectacle en spectacle, l'ambition de faire le spectacle total où je me rappelle moi très bien du spectacle de la tournée Terminus en 94 d'un spectacle au Club Soda qui commençait par où il y avait la projection de son film Terreur sur le Chinatown il se passait, il y avait des cuivres, il se rajoutait tout le temps des choses. À chaque spectacle, c'était plus, jusqu'où on peut aller dans les influences qu'on intègre, jusqu'où on peut aller dans l'expression de soi-même. Il y avait une permission complète. Dans ce qu'on a entendu tantôt, ben il y avait déjà le ferment rap de ce que le Colocas va faire. Tout est déjà là. Tout qui va être important dans l'influence qu'ils auront sur d'autres. Ça va ouvrir à tous les possibles de ce qu'on peut être au Québec sans être fermé sur nous-mêmes. Ouais. Pensez à Bernard Adamus en ce moment. Philippe Papineau. Voilà. Oui, Bernard Adamus, par exemple, c'est cette idée du mot qui va du rapper quelque part avec cette musique libre aussi un peu très non-élitiste. Hein. C'est un peu ça aussi les Colocs. C'était le fun parce qu'on pouvait écouter ça puis on se sentait représenté dans ce qu'il disait. Puis avec « Passe-moi la poque », c'était nos mots, c'est nos sports. C'était nous un peu là-dedans. Puis entraînant, c'est une musique tellement... Il n'y avait pas du gumbo aussi dans ces vidéos-là. Voilà. Fait que là, on arrive avec des tendances qui viennent de partout. Qui pourtant d'Afrique, donc, oui, c'est ça. Oui, exactement. Et personne ne se sent justement... personne dit « Mon Dieu, appropriation culturelle » ou quoi que ce soit à cette époque-là. Au contraire, c'est une espèce de joyeuse intégration parce qu'elle vient des gens eux-mêmes qui amènent dans ça. Moi, vraiment là-dessus, là, je pense que quand tout à l'heure, Sylvain parlait là, de l'espèce de philosophie qu'il avait d'un spectacle total, finalement, d'un art, je pense que ça allait beaucoup plus loin qu'on pouvait s'imaginer ce qu'il entrevoyait. C'était extrêmement vaste. C'est cette idée de nous sommes au monde, donc le monde peut venir à nous. Et c'est là qu'on comprend sa déception amère, intense au moment où le référendum est perdu en 95, parce que lui, ça menait là. C'est-à-dire son ouverture menait justement à cette idée qu'on s'appartient pour s'ouvrir. Puis anecdote, mais c'est plus qu'anecdotique, c'est un souverainiste, évidemment. Il décide de lancer un de leurs disques le soir du référendum de 95, parce que pour eux, c'était comme la fête par-dessus la fête. Et sa peine au medley où j'étais, où je couvrais pour Le Devoir, était... insondable. Ouais. C'était sa première mort. Oui. Il y a un esprit Coloc, on l'a déjà touché, la musique, l'esprit. Puis il y a une chanson, évidemment, qui nous vient tout de suite en tête, puis c'est la rue principale. On écoute, toujours tiré de ce fameux spectacle au Festival d'été de Québec de juillet 92, un petit bout de la rue principale. Mais d'abord, parce que vous allez voir, pour moi, c'est très éloquent, la façon dont Dédé va nous amener dans cette rue principale. On vient d'une place au lac Saint-Jean. Y a-t-il du monde de lac Saint-Jean? Allez, les gars. Allez. Êtes-vous là? Ouais. Comment tu fais ça, quand même? Bon. Puis là, dans notre village, on avait une super belle rue, comme dans tous les villages du Québec. On avait une super belle rue, une belle rue principale. Une rue où il y avait du monde, des jeunes. Il y avait des magasins, il y avait des matins, il y avait des melons, il y avait des pick-up. Puis là, il y avait quelque chose qui se passait dans le village, bordel. Là, ça se frenchait dans le parc. C'était vraiment la joie dans le village. C'était le fun au bout. Mais là, Satan, regardez ça de haut. Il aimait pas ça pantoute! Fait qu'il a décidé d'envoyer son fils sur la terre! Tu m'entends, Boubou, là? Faut remédier à la situation. Il a décidé d'envoyer son fils sur la terre pour construire des centres d'achat! Dans ma petite ville, on était juste 4000, pis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le gaz-bar, la caisse-pompe, le croque-bar, et le magasin général, là, quand j'y retourne, ça me passait mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit la centre d'achat. Ouais! C'est formidable. Tout est là. Hein? C'est formidable ce qu'on vient d'entendre, Sylvain Cormier. La présentation, la musique... c'est l'idée que le Québec existe au-delà de Montréal, ouais. que les régions existent. Et s'il y a une scène musicale aujourd'hui à partir d'un Fred Fortin, mais tout ce qui vient autour de cette mouvance-là, pour moi, ça part de là. C'est cette idée que de la musique, il s'en fait partout. Et on est le Québec entier inclus dans la proposition d'Écoloc. Ouais. Avec, bon, la région, en même temps, quelque chose de très urbain, des fois, de très montréalais. Le métissage dont on parlait aussi, ses influences à gauche, à droite, c'est drôle, tout ça à la fois. C'est drôle de penser qu'aujourd'hui, au fameux centre d'achat, il y a un restaurant qui s'appelle Des Délicieux. C'est vrai. N'est-ce pas? Avec des photos de lui, puis tout ça, etc. Et il y a comme une certaine ironie dans, dans ça. Mais parlons-en d'aider l'homme, le leader. C'est vraiment lui, l'homme du groupe, Sylvain. Ben, c'est clairement le moteur, mais il est évident que qu'à chaque ajout, il y a un enrichissement notable. Ouais. Je veux dire, ne serait-ce qu'au début, son alliance avec Mike Zawadzki, qui est un guitariste de blues au fond, qui amène tout ce côté-là. Puis à chaque fois où il va s'allier avec quelqu'un, ça va être pour enrichir ce son. Et il est pas menacé, lui, par ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Il est quelqu'un qui accueille le changement, qui le provoque et qui, à chaque fois, mène le groupe plus loin. Et il n'y a pas beaucoup de tolérance, il n'y a pas beaucoup de patience. Il faut que ça aille plus loin, plus vite. Ouais. Maintenant, il faut que le show soit plus fort. Comme maître d'œuvre, si on veut, Sylvain, un peu. Ouais. Parce que c'est lui et Zawadzki qui est comme son pendant un peu plus, je dirais, modéré, mais c'est quand même ces gens-là qui intègrent plein de gens, mais c'est lui qui reste le maître un peu de tout ça, le côté créatif. C'est lui qui donne le coup de pied dans le cul à tout le monde pour que ça aille plus vite, pour que ça se passe, pour que le pays se passe, pour que la musique se passe, pour que tout progresse et que la joie aille lieu. Il y a bien du monde qui grouille dehors, malgré l'hiver qui fait son smat. Si un soleil il brille pas fort, j'aime la lumière, c'est un peu plate. Coudon, ça va-tu mal dans le monde? Ou ben y'a juste moi qui capote? C'est peut-être bien parce que j'ai plus de blonde, que la vie a l'air pas mal moins hot. C'est à cause de mon répondeur, y'a absolument rien sa cassette. Y'a du cassoir dans mon petit cœur, il fait frais. Ça, c'est l'autre face de la médaille. C'est l'autre. C'est magnifique. Dehors novembre, la chanson de Répondeur. Dédé était rendu là. Il écrit ce disque, cette chanson, cet album, en se disant ça marchera probablement pas, mais c'est un succès monstre. C'est un disque important pour plein de raisons. C'est une charnière, d'abord musicale, Sylvain Cormier. On est ailleurs. Il y a cette chanson, Tassez-vous de là, qui est emblématique de, on parle d'un sujet extrêmement sérieux, mais en même temps, ça groove en masse. Oui, c'est vrai. Alors, c'est ça tout le temps, c'est le paradoxe entre le sujet qui est, on parle de party, mais tout est sombre là-dedans, ou presque. C'est toujours quelque chose qui marche pas, auquel il veut s'attaquer, il veut faire changer ça, mais avec la musique qui nous fait danser, qui nous fait chanter, qui permet aussi que ça joue un peu partout à la radio. Hein. Oui. L'aviez-vous vu, après son décès, dans une circonstance qu'on sait, il y aura toutes sortes, les gens vont se dire, mais est-ce qu'il nous disait quelque chose? Vous écoutez, vous, à l'époque, déjà, Sylvain, vous êtes critique. Aviez-vous perçu quoi que ce soit? On savait des extrêmes. Quand ça allait pas bien. Puis, il y avait des grosses chicanes dans le band et probablement dans sa vie aussi, comme on le suit après. Mais nous, ce qu'on vivait, c'est ce gars-là extrême, mais on le vivait dans sa part positive. Alors, quand on recevait une chanson comme Le Répondeur, on la recevait dans le cadre d'un album qui a ses côtés sombres et qui va mener à un autre album après. C'était pas du tout vécu comme, mon Dieu, c'est une fin qu'on est en train d'entendre Et souvent, la tristesse et le désespoir est aussi le moteur de création pour plein de monde. Et c'est un truc un peu banal au bout du compte, là, en musique. Mais c'est, si tout allait bien, il n'y aurait pas de très bonne chanson. Ouais. Alors, c'est sûr que c'était pas évident, je crois pas, non. Et on n'écoute pas nécessairement les chansons comme venant du fort intérieur de la personne. Il aurait pu tout aussi bien être en train de parler de quelqu'un qui connaît, à qui ça arrivait. Alors, il n'y avait pas comme ça des indices à relever pour aller le sauver de son sort. Ouais. Puis c'est aussi des tempéraments extrêmes. Donc, quand il y a une chanson qui est déprimante ou qui peut paraître très sombre, il y en a, comme le dit Philippe, une autre qui est qui est plus hop la vie. Et je pense que c'est ça aussi, c'est des gens qui ont tu sais, je veux dire, que ce soit Dédé ou d'autres ou moi, n'importe qui, on a des fois des extrêmes comme ça, puis c'est difficile justement de voir des signes là-dedans parce que c'est vrai que c'est pas évident. On peut pas présumer comme journaliste en recevant un disque, en lisant les paroles, qu'il parle de lui nécessairement. Et ça arrive souvent en entrevue où on parle à un artiste, on lui dit, bon, mais il s'est passé ça dans ta vie. Il dit, plus ou moins. Toi et moi, non, ça s'est passé à telle autre personne. Alors, je pense que les pistes sont aussi brouillées dans la création et c'est ce qui fait aussi qu'on peut se les approprier. Ouais. Comme le répondeur, on peut se souvenir de moments où nous, on était seuls ou une personne appelait. Exactement. C'est ça la force de cette chanson-là, en fait. Il en reste quoi, des colocs, Sylvain Cormier? Il reste une attitude d'ouverture. En ces jours où des gens voudraient justement fermer des portes, ce qui nous reste de lui, c'est cette idée qu'on est assez fort dans notre identité pour accueillir, pour recevoir ce qui vient de tout partout. Quand Nirvana est arrivé fin de l'année 91 avec son album Nevermind, ça a été là que Seattle est vraiment devenu une scène rock importante avec un mouvement qu'on a appelé le grunge ou le grunge. Existe-t-il ce mouvement encore ou c'est vraiment fini? Ben, c'est probablement le mouvement rock qui a été récupéré le plus rapidement. C'est étonnant. En l'espace de 2 ans, c'est passé de quelque chose qui était très in, dont tout le monde parlait, à quelque chose de très out, dont plus personne ne parle, qui est rentré vraiment très rapidement dans les mœurs, qui a été récupéré. On voit maintenant la mode grunge dans les catalogues de Sears, des affaires comme ça. Donc, c'est parti de vraiment de l'underground, de l'alternatif, de la scène indépendante. Et très rapidement. Ça s'est propagé. Dans Rolling Stone, il comparait Kurt Cobain, l'auteur-compositeur de Nirvana, à John Lennon. Et juste au niveau du songwriting, au niveau de l'écriture des chansons, et je trouve que par moment, effectivement, ça pourrait se ressembler. C'est le même genre d'introspection, le même genre de compassion aussi dans le regard sur le monde. C'est quelqu'un qui est très, très intéressant. Laurent Saunier qui parle de l'importance de la popularité de Nirvana en 93. Laurent Saunier qui relève aussi la comparaison que va faire le magazine Rolling Stones entre Kurt Cobain et John Lennon. Le Rolling Stones qui va aussi dire de Kurt Cobain qu'il a été l'artiste le plus important des années 90. Philippe Papineau, c'est exagéré ou c'est le cas? Je crois pas que ça soit exagéré. On pourrait peut-être sortir d'autres noms aussi importants, mais en même temps, si on regarde ne serait-ce que bêtement en chiffres, le nombre de ventes de copies de Nevermind, je pense qu'on parle de 40 millions de copies, ça a battu tous les records à l'époque. C'était un artiste qui a eu un succès commercial et aussi surtout un impact dans l'ADN, je dirais, de plein d'adolescents qui ont vécu ce moment-là de façon très, très intense. Alors pour ça, je pense que oui, c'est indéniablement un artiste qui aura marqué sa décennie. Qu'est-ce qu'il apporte sur le plan musical? Comment on peut sur le plan musical, on l'entendait bien avec la pièce c'est Smells Like Teen Spirit. Oui. Ce son, d'abord, on entendait la guitare qui nous rentrait dedans. La grosse avec guitare. Un fond de punk donc, qui revient, quand même de la place pour la voix et de la place pour le texte dans le bruit, dans le cri, souvent. Donc, il y a une espèce de rébellion qui est là, qui rage. Il y a du feu, on sent, dans le corps de ce bonhomme-là et aussi dans le corps de plein de gens qui l'écoutaient. Ouais. Alors, je pense que c'est ça, entre autres, la force de cet artiste-là. Donc, et avec aussi des mélodies extrêmement fortes. On y ferait écouter, je pense, ces disques-là à des jeunes d'aujourd'hui et je pense qu'ils retiendraient ces chansons-là aussi. Ils retrouveraient quelque chose, mais c'est des chansons fortes, des lignes simples. Et ce qui était peut-être la force de Nirvana, c'était justement cette capacité de composition, de création musicale. Ça vous parlait, Sylvain Cormier, de la musique? C'est de la rugosité, mais ça chante. Ouais. Ça s'entonne. Ça sent, et on sent vivre. Il y a dans ce grincement dans ce grincement des guitares, dans cette voix qui crie, il y a ce besoin de s'éprouver physiquement, de se montrer qu'on vit, qu'on est en vie. Et c'est pas pour rien que dans les spectacles de Nirvana, il y avait autant de crowd surfing, puis qu'il y avait un snake pit où tout le monde se frappait les uns contre les autres pour se sentir vivre après avoir passé tellement de temps à vivre de façon un peu plus lisse, sans trop sans trop de contact. Voilà, c'est ça. Effectivement, il y a un regard, c'est physique comme musique. On le ressent en l'écoutant. Ça nous peut nous provoquer dans nos tympans, dans ce qu'on entend. Mais aussi, ça nous donne envie un peu de partager cette colère-là, de crier ce qu'il avait en lui, comme dans son chant, qui était assez fou. Il y avait une énorme, mais on peut faire facilement lien avec ce que Dédé Fortin amenait comme énergie. Et bon, leurs parcours sont tristement similaires, mais il y a cette rage à l'intérieur aussi qui est évidente et qui est contagieuse. Parce qu'on parle, des années 90. On parle de génération X. Absolument. Aussi. Je veux dire, Kurt Cobain est pas mal de la même génération que moi, puis c'est génération où justement que tu étudies, que tu fasses n'importe quoi, t'es rendu à 20 ans, il n'y a pas grand-chose qui se présente à toi. Fait que t'as toujours la génération qui est passée d'un crack du plancher. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu la génération... Il y a des illusions là-dedans. Oui. Il partageait sa tristesse pendant 15 ans. Oui, et puis les gens, c'est pour ça que t'arrives avec un nouveau style comme ça, où il y a comme un défoulement aussi. T'entends Nirvana la première fois. Puis moi, ça a été comme, une révélation. J'étais au début de l'université, puis quand on a eu la fameuse... je l'ai eu en cassette, Nevermind. On l'a amené partout dans tous les bars de Québec, parce que partout où on arrivait, j'étais avec une amie qui est rendue professeure maintenant à l'université, puis on mettait ça partout. Puis on était comme, c'est ça qu'il faut écouter maintenant. Ouais. C'est là que ça se passe. Toute cette génération qui, dans les années 80, avait grandi avec des coudes puis des casques pour faire du vélo, qui était protégée de partout, a eu besoin de se cogner, de se confronter, de se frotter, d'être en sueur, et il y avait aussi d'exister. Il y avait de la drogue à travers ça aussi, où il y avait une mode de vie aussi qui était un peu... ça, c'est rien de nouveau dans le monde de la musique, là, on s'entend, mais quand même, il y avait cette idée de, aussi, puis Kurt Cobain, c'était pas un enfant de cœur, il a fait des overdoses à la pelle ou presque, avec un mode de vie un peu étrange, avec une douleur à l'estomac qui lui grugeait le moral et l'existence au bout du compte. Alors, il y avait ce côté physique, mais personnel aussi chez Kurt Cobain. Il y avait cette douleur-là dans lui. Là. Mais qui rejoignait, parce que l'époque, cette douleur, ce besoin de crier, qui rejoignait plein de monde. On écoute un extrait, justement, une jeune Française, reportage diffusé en 94, vous allez voir, c'est intéressant, une jeune Française qui vit à Seattle et qui se reconnaît tellement dans cette musique. Nirvana, je sais pas, ça, quand je l'écoute, ça me libère, quoi. C'est un peu toute la haine ou tout la haine que j'ai dans le moment, dans l'état d'esprit que je suis. Si j'écoute Nirvana, ils expriment un peu ce que je ressens, quoi. Enfin, je veux dire, il y a plein de chansons. Il y a une chanson, par exemple, où il dit married, buried, enfin, il dit donc marié, enterré. Et c'est vrai que, je veux dire, moi, je suis pas, par rapport au mariage, par exemple, je suis pas trop pour le mariage. Si ça se trouve, je me marierais comme tout le monde, mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, c'est marié, enterré, et je le vois assez négativement. Enfin, bon, je veux dire, je suis enfant de, comme beaucoup de personnes, de parents divorcés et tout ça, quoi. Et je vois ça négativement. Et il y a plein de choses comme ça qu'ils expriment que je suis tout à fait d'accord, quoi. On y revient, Philippe Papineau, mais la synchronicité, la bonne musique au bon moment. Oui, et puis c'est aussi le fruit de sa génération. On parlait de mariage. Ben, lui, ses parents sont divorcés. Ça l'a bouleversé, ça l'a mis tout à l'envers quand il était jeune. Donc, c'était aussi l'enfant de son époque, dans ce sens-là. Et donc, le bon groupe au bon moment, avec la bonne étiquette de disque au bon moment, avec les bonnes chansons. Tout est arrivé, donc, Nevermind en 91. Donc, c'était pile le moment. Il y avait déjà de la musique avant. Il avait lancé Bleach avant. Ils ont fait In Utero après. Mais c'était effectivement... Est-ce que c'est daté avec le recul? Parce que c'est vrai que ça arrive, bang, puis ça dure pas longtemps, le grunge, là. Laurent Saunier, dans l'extrait, tantôt, disait que ça avait vite été récupéré, effectivement. En même temps, moi, j'entends ces guitares-là et je les réentends aujourd'hui. Galaxy par ouais. exemple, formation rock québécoise qui viennent du Lac, ben, qui sont probablement des meilleurs groupes rock au Québec en ce moment, qui retrouvent ce son sale-là. Dans tout le mouvement stoner rock qui continue à faire son effet, cette lourdeur. On parle de, donc, le stoner rock, imaginez la grosse pierre qui roule, qui nous écrase tous, c'est dit de lourdeur dans le rock. Et peut-être. Disparu rapidement, mais elle est restée, on dirait, profondément dans toute une génération de musiciens. Mm-hmm. Et c'est une musique qui a inspiré des musiciens aussi parce qu'elle était facile à jouer. On parlait tout à l'heure avec Sylvain, hors micro, qu'on pouvait tous la jouer à la guitare ou presque. Ouais. Parce qu'à la base, c'est des accords tout simples, des accords barrés ouais. que n'importe quel petit garçon à la maison pouvait jouer. C'est pas sophistiqué. Ouais. C'est ça, c'était pas comme essayer de repiquer du Duran Duran. Ouais, c'est ça. Ouais. Duran Duran, ça va tellement, me semble, avec le côté bureau sophistiqué, etc. C'était en dehors de nous. Complètement différent, c'est ça. Mon nom, c'est Sylvain Houde. En 1991, je suis DJ et responsable de la promotion au Foufoune Électrique, qui présente beaucoup de spectacles à ce moment-là. En 1991, Nirvana va sortir son album Nevermind, sur lequel il y a Smell Like Teen Spirit. Quand le groupe vient à Montréal, il y a seulement le single qui est paru. Il y a des fans qui connaissent l'album précédent, qui est quand même très underground. On n'est pas encore dans la reconnaissance. Le show n'était même pas sold out. Donc, il y a un bon buzz, mais c'est loin d'être la gloire quand on fait même pas 500 billets vendus. On dirait pas que c'était un groupe qui était si soudé que ça, tellement c'était trois personnalités complètement différentes, malgré le charisme évident que Kurt avait dès qu'il arrivait sur scène. On sentait qu'il devenait un autre, comme si il était habité. Il y a une fin de spectacle qui est mémorable. À la fin du spectacle, on se dit qu'il y aura un rappel. Kurt Cobain quitte la scène, monte sur la mezzanine parce que la loge était sur la mezzanine, décide de venir dans le DJ booth où moi je suis, il me pousse pour passer et décide de se laisser tomber sur Dave Grohl, qui est le drummer à l'époque avant de devenir le chanteur de Foo Fighters, ce qui fait que Dave Grohl s'assomme pratiquement sur le mur de briques qui est derrière lui et là, on comprend que le show est terminé. Toute une époque, ça s'est passé à Montréal, mesdames et messieurs. Oui. Quel genre d'impact ils ont eu au Québec, à Montréal, Philippe Papineau? Ben, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un impact particulièrement différent des enfants américains. Peut-être un peu moins de diffusion parce que l'anglais, c'est peut-être moins évident, mais de moi, dans ma gang, moi qui est en 81, donc qui avait 12, 13 ans au moment où c'était gros, c'était là, on voyait les posters dans les chambres. C'était devenu déjà une icône à son grand désarroi parce qu'il aurait aimé ça, je pense, avoir du succès, mais en étant invisible, et en se cachant. Mais je pense qu'il y avait les paroles de ces chansons-là sur les sacs à dos, sur les études à crayon, sur les agendas, dans les agendas. Il y avait ça, moi, ça a eu un impact, je suis certain, auprès de toute la génération. Ouais. En 1993, à l'été, le même été, à l'auditorium de Verdun, viennent Nirvana, Pearl Jam et Soundgarden. Il faisait 800 000 degrés. Ça me dégoûtait du bout du nez. Et les gens ruisselaient de sueur et de bonheur. Ouais. Et autant Eddie Vedder avec Pearl Jam montait dans les échafaudages et sautait dans la foule, autant Kurt Cobain ne levait pas la tête de tout le show, les cheveux devant, comme une barrière entre lui et nous, voulant être là, ne voulant pas être là. On en tirait quelque chose, mais lui, je suis pas sûr que ça se vivait aussi bien pour lui déjà à ce moment-là. Et la voix, pourtant, était très habitée. Tantôt, j'entendais ce mot-là dans le discours, et c'est ce qu'on dit quand on... La présence, là, c'est ça, la voix est habitée par toutes sortes de sentiments qui changent tout au long, finalement, d'une pièce. Et il y a cette attitude-là, je dirais, complètement anti-vedette, hein, les cheveux dans le visage. Il y a eu des concerts où il était carrément pyjama sur le stage. Et moi, il y a quelque chose dont je me rappelle, c'est le fameux Unplugged qu'il y a eu. Clairement, le MTV Unplugged, c'est l'album qui a peut-être le plus grand impact, entre autres parce qu'il était acoustique et parce que ça pouvait jouer dans les maisonnées. Les parents des ados pouvaient l'écouter, pouvaient aimer ça. Moi, je l'écoute encore fréquemment, cet album-là. Ouais. Donc, on avait un accès à la pureté, sans le bruit, sans la distorsion, sans les grosses guitares. Alors, on pouvait comprendre la capacité, la qualité d'auteur-compositeur. Et c'est là que la voix de poésie là, habitée ressort encore plus. Et puis, un autre décès aujourd'hui, mais cette fois d'une personnalité qui a touché une toute autre génération. Kurt Cobain, le chanteur du groupe Nirvana, l'un des groupes rock les plus populaires au monde, est mort à l'âge de 27 ans. Cobain se serait suicidé par balle. Une lettre expliquant son geste a été retrouvée à côté de son corps. Il était devenu un véritable symbole de la génération grunge, d'une jeunesse exclue par les institutions sociales. Déjà au début mars, Kurt Cobain était tombé dans un profond coma en Italie à la suite d'une surdose de drogue et d'alcool. Mort tragique, donc Kurt Cobain et Philippe Papineau qui se suicident en avril 1994, mais quelle vie aussi! Oui, c'est on parlait rapidement tout à l'heure de cette... c'est un homme qui était en plein dilemme tout le temps dans le désir, on parlait de faire... partager sa musique, disons-le comme ça, et d'être invisible, un homme triste, qui a mal aussi physiquement, qui décide de mettre fin à ses jours. Bon, le 5 avril 1994, on le retrouve trois jours après, selon les médecins légistes, donc on le retrouve trois jours plus tard, mort chez lui, avec une lettre d'adieu, signée d'ailleurs à son ami imaginaire, Boda. J'ai appris ça en refouillant pour vous parler, puis j'avais oublié ce détail-là, mais donc il avait écrit une lettre dans laquelle, entre autres, il cite un peu Neil Young, il préférait mourir brûlé que de mourir à petit feu. Quelque chose comme ça. Donc oui, c'est des années, c'est la défense, vous l'avez évoqué tout à l'heure, consommation de drogue. Oui, il a un conjoint, Courtney Love, qui ne l'aide pas nécessairement dans le droit chemin. C'est un couple qui brûle. Ils ont un enfant quand même. Ça l'a accroché, à un bon bout de temps à la vie. Francis Bean Cobain, donc, et qui récemment, d'ailleurs, a été parmi l'équipe qui a monté un documentaire sur Kurt Cobain, qui s'appelle Montage of Heck, où ils ont repiqué dans les bobines, dans les enregistrements d'antan, dans les archives vidéo de la famille. Ouais. Je pense pas avoir connu un artiste aussi récalcitrant, je veux dire, voulant faire de la musique, mais se sentant tellement pas à sa place dans ce commerce de la musique, dans cette business. C'est le commerce qu'il détestait. Here We Are Now, Entertain Us, qui chantait-il. Mais oui. C'est toute cette récupération-là de ce mouvement-là qui a été Il n'a pas laissé d'ailleurs Sub Pop quand ils ont été acquis par une plus grosse Geffen, par une major. Oui, le premier album était sur Sub Pop, qui est une étiquette donc de Seattle. Et Geffen, qui était une plus grosse étiquette de disques, qu'il a signé pour le deuxième album, pour Nevermind, effectivement. Comme il n'aimait pas du tout non plus le fait, on parlait de gros impact qu'il a eu sur la génération X, il ne voulait pas être porte-parole. Il ne voulait pas être porte-étendard, il ne voulait pas être sur les t-shirts et les drapeaux et les posters, il voulait juste faire de la musique. C'était un gars qui aimait faire de la musique. Ça vient souvent si ça vient avec le succès, ça vient aussi avec un paquet de troubles, et il vivait très mal avec ça. In the last year, this teenager has developed a technology that has revolutionized the way we all get our music, and he is here tonight. Ladies and gentlemen, creative Napster, Sean Fanning. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est l'industrie de la musique et de la chanson qui est en danger. Et je pense pas que ce soit alarmiste de dire ça. C'est-à-dire que le jour où les auteurs et les compagnies de disques ne recevront plus d'argent en échange du produit chanson, bien, c'est évident que les auteurs ne composeront plus, que les compagnies de disques n'investiront plus dans la production d'albums. Et ce jour-là, il n'y aura plus rien à copier à ce moment-là. Il n'y aura plus rien à écouter aussi. Tout est là dans ces deux excès, ces deux courts extraits qu'on vient d'entendre. D'un côté, Sean Fanning, cofondateur de Napster, qu'on avait présente. 18 ans, 19 ans. Quand En fait, il est né en 80. Hein? Alors, on dit de lui, c'est celui qui révolutionne la façon dont ça. On consomme la musique. Quelqu'un qui arrive là, qui n'est pas un codeur, qui n'est pas un informaticien, qui est un gars qui joue de la musique, qui est un jeune qui commence l'université, qui aime la musique et qui décide, moi, ce que j'aimerais faire avec ce qui est possible. Il y avait eu des choses comme Internet, le AI, IRC, là, que vous avez connu avant, où on pouvait partager des fichiers. Là, les MP3 sont standardisés. La tempête, je vous dirais, est parfaite pour l'industrie de la musique, sauf que l'industrie de la musique ne l'a pas vu. Parce qu'on entend tout de suite après. C'est ça qui est fascinant. Oui, révolutionnaire pour les uns, quand on le présente à MTV. Tout à fait. Et Nadia Sarayoko, ce représentant de diagramme qui dit il n'y en aura plus rien, rien à copier, il n'y aura plus de musique. C'est ce qu'on dit. Et d'ailleurs, étrangement, on est quand même presque 20 ans plus tard et les gens sont encore en train d'essayer de comprendre ce qui est arrivé. Napster n'a pas tué la musique. Napster n'a pas tué la musique. Alors, on a fondé ça tout simplement des jeunes. Alors, vous avez Sean Fanning, vous avez Sean Parker que vous connaissez sûrement, qui avait juste un an de plus que lui, qu'on voit dans le fameux film sur Facebook de Social Network. C'est lui qui est l'investisseur, là, joué par Timberlake. Et maintenant, c'est un gars, Parker, qui est sur le CA de Spotify. Fait qu'il continue, pourrait dire, à attaquer l'industrie musicale assez sérieusement. Mais Sean Fanning, un personnage encore là, hein, un peu, je vous dirais, quasiment comme Dédé Fortin ou encore comme Kurt Cobain, un gars qui aime la musique, qui veut partager des fichiers, qui décide d'apprendre à coder, d'entrer dans le monde, si vous voulez, de la technologie, mais du côté un peu punk, un peu do-it-yourself, le DIY, c'est-à-dire avec des... Ils vivent dans un appartement, ils dorment à côté des ordinateurs, ils passent leur journée à améliorer le produit qu'ils font, et le but, c'est que les utilisateurs puissent avoir finalement des services clients et s'échanger des fichiers entre eux. Techniquement, c'est quoi son... Le MP3 existe déjà, ces fichiers sur lesquels on peut mettre de la musique. Ça a été développé à la fin des années 80. Lui, ça touche, là, le coup de génie qu'il a, c'est quoi? En fait, c'est l'interface Napster, c'est-à-dire une interface où vous avez des utilisateurs qui mettent qui justement rendent disponible sur leur, si on veut, leur service ordinateur. Client, leur ordinateur devient un client server. Ça enlève les intermédiaires, tout simplement. Ça enlève les intermédiaires. C'est la magie de la chose. Et c'est ce que l'industrie musicale n'a jamais compris. À eux, ils imaginaient un gros serveur dans le milieu de chez Napster, puis on entrepose toute la musique du monde là-dessus, puis on la redonne aux gens. Mais c'est pas ça. C'est moi, par exemple, qui a le fameux truc d'MTV, admettons, j'ai ça sur mon ordi. Philippe le veut, alors on se met en contact, il voit que je suis en ligne, il s'en vient c'est sur mon serveur. Et exactement. Et les premiers juges qui ont été appelés, parce qu'évidemment, l'industrie musicale, j'en voulais du tactile, des coups de pied dans les jambes, ils en ont donné beaucoup dans ce dossier-là. Ils sont arrivés en disant, on poursuit. Alors, évidemment, tout le monde. Mais ça a marché très, très, très fort, très vite. Pourquoi? Très vite. Qu'est-ce qui fait que ça marche, Sylvain Cormier, cette idée très romantique que. On va à l'assaut des majors, qui sont des méchants faiseurs. Côté Robin des Bois. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les gens... Moi, je pense que les gens ne veulent pas ça tout à fait. On le voit comme ça de l'extérieur, Sylvain, mais les gens qui étaient là-dessus, là, c'était vraiment des jeunes amateurs de musique en grande partie. C'est comme s'ils rentraient dans un magasin de musique et qui prenaient tout et qui se partaient, c'est tout. C'est l'aspect légal. Vous, Philippe, vous avez tout de suite, vous avez embarqué dans le virage Napster. Le fait que ce ne soit pas légal, par exemple, c'était un obstacle? Moi, j'ajouterais comme un petit stress au clic. Et quand on clique, on dit... Vous aimiez ça? Ben oui, il y a une petite adrénaline nécessairement qui venait avec ça parce qu'on avait l'impression, c'est gratuit, c'est correct. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu trouvais des choses vraiment hors des sentiers battus. Et on trouvait aussi des affaires en tout genre. Ben, en même temps, à l'époque, si on voulait, par exemple, de la musique québécoise, francophone, il n'y en avait pas. C'était resté un marché très américain, anglophone. Alors, ça a pris beaucoup de temps avant. Et c'est peut-être pour ça qu'on a protégé beaucoup nos chiffres, nos ventes ici au Québec par rapport à d'autres marchés. Mais c'était pour juste partir avec de la musique et pouvoir l'écouter. Mais il se passait quelque chose aussi en rapport avec le web. On parlait tout à l'heure, avant l'émission, en fait, entre nous, de David Bowie. En 99, rappelez-vous qu'il avait mis Hours sur Internet 2 semaines avant le lancement officiel. On sentait chez plusieurs artistes qui étaient plus avant-gardistes qu'il se passait quelque chose. Mais tout le monde ne prendra pas ce virage. C'est vrai que... Non, pas du tout. Quand je dis avant-gardiste, c'est ce que je veux dire. Puis il y a tout un débat, puis on va y arriver tout de suite avec un petit extrait. Vous parlez, c'est les jeunes, surtout, qui voient les avantages, la gratuité, mais plus que ça, aller chercher des trucs qui n'existent pas autrement. Effectivement, des enregistrements de concerts, etc. Extrait de l'émission Branché en 1999, où on demande justement aux jeunes, on leur fait écouter un enregistrement MP3, puis on leur dit qu'est-ce que vous en pensez, puis surtout êtes-vous, de quel côté de la clôture vous êtes, parce qu'il y a ceux qui disent yes, puis il y a ceux qui disent, c'est pas cool pour les artistes. Es-tu étonné de la qualité sonore? Oui. Oui. Honnêtement, oui, je pensais que ça allait être plus mauvais que ça, plus fond de canne. Si je te disais que c'est une chanson qu'on a téléchargée sur Internet. Que vous avez téléchargée à partir d'Internet là-dessus? Oui. Je dirais que le son a vraiment amélioré à 100% comparé à d'autres téléchargements que j'ai faits. Est-ce que tu achèterais ça? Ah oui. Moi, personnellement, je ne suis pas une adepte de l'ordinateur, fait que c'est pas quelque chose vraiment qui va m'affecter. Je vais continuer à acheter des disques parce que je suis une tripeuse. On devrait pas avoir le droit, à moins que ça joue à la radio, d'avoir ça gratuitement, là, parce que... C'est comme, ils travaillent fort pour leur musique. Si le monde aime la chanson, ils voudront acheter tout l'album au complet. Fait que moi, tant qu'à moi, je pense pas que ça nuit. C'est comme un genre de publicité à l'album au complet. Je trouvais ça trop chien pour les artistes qui veulent faire des disques, ils s'effraient tout voler. Les artistes, ils se forcent pour faire un travail, fait que faut leur donner qu'est-ce qui leur revient. « Nadia Serra-Yoko, il y a deux camps, il y a deux visions dans ce qu'on vient d'entendre. Quelles sont ces deux visions qui s'affrontent? Bien, écoutez, tout d'abord, évidemment, il y a les gens qui se disent ce sont des revenus perdus pour les artistes. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui disent oui, mais on achète finalement les albums, c'est de la promotion. Il y a des artistes qui utilisent ça et qui sont très contents que certains de leurs pièces uniques, singles, circulent là-dessus parce qu'on ira voir le spectacle, on va acheter le disque après. Fait que vraiment, ces deux visions-là, je vous dirais, sont possiblement complémentaires. Là, il y en a une qui nous, je dirais, émerge peut-être plus de l'industrie, hein, parce que c'est devenu une industrie dans les années 90, tout ce qui touche à la musique. Et de l'autre côté, ben, on pense un peu plus à l'artisan, à celui qui commence dans le domaine et qui, là, voit, par exemple, je pense, un album comme Chocolate Starfish de Limp Bizkit qui n'allait pas jouer dans les radios. Mm-hmm. Et quand quelqu'un comme Sean Fanning dit, bien, écoutez, on vous offre 1,8 million pour subventionner vos concerts et que vous laissiez vos pistes partout se diffuser sur Napster, ben pour eux, c'est très bien parce qu'ils ont des salles pleines, ils sont payés, ils vont vendre des albums dans les spectacles, des produits dérivés, etc. C'est excellent. Ouais. Et de fait, il y a, au sein même des artistes, il y a les deux camps, il y a les deux visions. Oui, il y a des gens qui vont profiter, d'autres non. On écoute justement Rudy Kaya de Vilain Pingouin. Vous allez voir, lui, il est plutôt du côté de ceux qui sont ouverts. Extrait de l'émission Média en 1999. Parce que le piratage, ça existe depuis toujours. J'ai toujours vécu avec le piratage. Moi, personnellement, j'ai copié des disques sur cassette. Je l'ai fait. Je peux pas totalement condamner ça. J'ai appris mon métier comme ça un peu des fois en piquant des affaires, en tapant des disques. Mais est-ce que vous allez chercher des trucs sur MP3 maintenant? Oui, je vais aller chercher du punk de Boston, un groupe pas connu que j'ai à peu près pas de chance de trouver le disque. Quand je tapais des disques, j'allais jamais taper un disque de, mettons, John Hyatt parce qu'il en vendait pas des milliards. Mm-hmm. Madonna, je pense. Il y a une certaine conscience sociale. C'est ça. Moi, moralement, je me sens pas vraiment là, méchant d'avoir été payé un disque de Madonna. Ou de Céline Dion. Désolé. Ou de Céline Dion. Désolé. Je me sens pas mal. Oui, j'ai volé ton interprétation. Elle est basée sur le vécu d'un peuple. Je fais partie de ce peuple-là. Fait que tu m'as volé un petit peu, moi aussi. En quelque part. Si on veut vraiment jouer dans le fond de la morale de tout. Il y a autour même de cette table, je pense, deux visions. Sylvain Cormier, qui est peut-être plus sensible à la vision, entre guillemets, traditionnelle du respect du droit d'auteur, tout ça. Puis, bon, Nadia et Philippe, qui sont plus vivent la nouvelle technologie, le partage Napster. Ouais. Mais je dis ça parce que les trois, en écoutant Rudy Kaya, les trois, vous étiez tous d'accord, Sylvain inclus, sur ce que disait Rudy Kaya. Madonna, c'est une chose. Le petit groupe qui en arrache, c'est une autre affaire. Ouais. Il y a comme une pensée à deux vitesses. Ouais. On n'aime pas savoir ça, mais c'est vrai que, en fait, et je ne sais pas si elle est bonne, notre pensée, notre réflexion, mais je pense partagée par plein de gens, cette idée d'encourager, de vouloir que les petits survivent et de ne pas avoir trop de pitié et de sympathie pour les gros qui, de toute façon, abusent de nous, consommateurs, depuis des années. Qui est-ce qu'il n'y a pas un danger? Combien les artistes gagnent aussi sur chaque copie vendue? Ça, c'est la question. Combien gagnent-ils en moins depuis que Napster existe? Oui, Nadia. Mais effectivement, je vais vous dire franchement, je pense qu'ils font probablement, en général, en tout cas pour avoir fréquenté des musiciens professionnels dans ma jeunesse, dans les années 90, là, c'est genre, les gens faisaient beaucoup plus d'argent sur les concerts que les albums vendus déjà, en magasin. Parce que maintenant, c'est ça, c'est clair. Oui, mais c'était déjà comme ça dans l'industrie musicale. Et ce qui arrive, c'est que souvent, les artistes vont faire beaucoup d'argent aussi sur quand ils vendent dans les spectacles, etc. Regardez les modèles que les gens ont essayé de mettre de l'avant. C'est un peu ça. Pensez, justement, avec l'album Magna Carta Jay-Z. Quand il a vendu 1 million de copies à Samsung pour que Samsung les diffuse, il a fait 5 millions d'un coup. S'il était allé en droit d'auteur, il aurait fait, je pense, 220 000 $. Ça se termine comment? C'est parce que cette histoire-là, parce que l'histoire Napster, évidemment, le partage de musique, il existe encore aujourd'hui. Là, Napster a gagné, entre guillemets. Mais Napster va perdre devant les tribunaux. En un mot, Nadia, qu'est-ce qui se passe? Ils sont poursuivis par les grandes multinationales. Ils sont poursuivis par, tout ce qui est justement le RIA, etc., les recordings and, les associations, les rassemblements des États-Unis. Et éventuellement, la compagnie Diamond Media gagne une première fois et une deuxième fois va perdre, va avoir une injonction parce que là, il y a des gens comme Madonna qui a retrouvé des pistes de musique de son album Music qui sont là-dessus, qui poursuit aussi. Metallica, ça va être un procès légendaire. Mm-hmm. Metallica va même aller porter des boîtes contenant 300 000 noms de leurs propres fans qui veulent voir bannis maintenant quasiment d'Internet parce qu'ils veulent plus. Ça cause vraiment, chez les très gros qui font affaire avec des majors et qui sont eux-mêmes une partie prenante de cette industrie-là, ça va faire un très, très gros remous. Et quand on revoit aujourd'hui, et il y a juste BMG, alors Bertelsmann Music Group, qui s'était associé à Napster parce qu'il voyait des possibilités dans cette plateforme-là. Or, quand le Recording Industry Association of America finit par les faire fermer, finalement, pour avoir piraté, finalement, du matériel protégé par le copyright, les gens vont partir chacun de leur côté. Mais déjà, je vous dirais, un an avant, la compagnie est en train de se défaire. À partir du moment où on est dans la haute capitalisation, là, avec les fonds de risque, etc., Napster se défait tranquillement. Mais les services de partage, eux, vont continuer. Il y en aura après. Moi, je me souviens d'un truc qui s'appelle LimeWire, Kazaa, Nutella, Morpheus. Ils se sont multipliés. Ils se sont multipliés, puis on avait plein de d'options différentes pour les téléchargeurs. Effectivement. Mais en un mot, ça va avoir, au final, on dit, en boutade, ça n'a pas tué l'industrie de la musique. Ça a quand même eu un impact. Ben moi, je pense que Napster voulait à la fin là, s'en sortir en proposant à l'industrie d'utiliser sa plateforme et de la commercialiser. Ça a été refusé. C'était comme, on n'a pas besoin de vos affaires, on protège le piratage. Et je veux dire, franchement, je pense que l'industrie a manqué un très grand tournant parce qu'ensuite, c'est Apple qui a pris le contrôle en faisant une plateforme qui ressemblait beaucoup à celle de Napster et qui a commencé à prendre entente avec les compagnies pour vendre justement des pistes. Et ça a changé quoi, au final, pour... Notre rapport à la musique, je pense, est changé à jamais. En tout cas, du moins, il y en a qui, imaginez, la plupart, il y a plein de la jeunesse n'aura connu que ça. Oui. Le rapport à l'objet a changé, le rapport à la valeur de la musique a changé. Il va continuer à bouger, il a toujours bougé à travers les décennies. Vous en êtes clairement, sûrement, à l'écoute de toutes ces décennies de musique de l'émission, on va voir ça. Mais c'est sûr que c'est plus du tout l'objet physique unique qui sera toujours là. Et puis, c'est la dématérialisation. Est-ce que les artistes ont beaucoup souffert, Sylvain Cormier, ou pas? Ben moi, j'ai l'impression que après avoir connu des années où une industrie avait mené comme ça des artistes à de la grande richesse, on revient à, je dirais, la place naturelle du troubadour, qui est un peu à l'extérieur du monde où on fait du commerce et où on gagne sa vie comme on peut, mais on n'est pas comme ça dans cette idée de la super vedette. Là où le représentant de Diagram avait peut-être erreur, c'est qu'il disait les gens vont arrêter de composer de la musique. Manifestement non. Dernier tour de table, le temps file rapidement. Dans cette décennie des années 90, on a parlé de plein de choses. De quoi aurions-nous pu aussi ou dû parler, Nadia Sarayoko? Moi, je pense que démocratisation, justement, des moyens, effectivement, parce que c'est là qu'on commence, justement, qu'on voit les gens qui commencent à enregistrer, qui commencent à produire eux-mêmes des choses. Moi, je le vois d'une perspective artistique et économique aussi, mais je pense que c'est un changement important qui est arrivé avec, justement, les sites web, etc. Moi, c'est sûr que je suis très techno, je vois ça, mais je pense que on a vraiment, c'est les débuts, c'est vraiment les germes de ce qui se passe maintenant, 15 ans plus tard. Quand on fera les années 2000 en musique, il y aura énormément de place à la technologie. Ce qui est évident pour moi, c'est qu'après ces années 80 où la chanson québécoise s'était remise du référendum de 1980, eh bien là, il y a eu une effervescence. Il y a Jean Leloup, il y a Daniel Bélanger, il y a des gens importants. Il y a une richesse dans la proposition et il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui ressortent et qui deviennent très importants et qui sont encore là. J'allais dire la même chose que Sylvain. J'allais parler de toute cette génération-là qui est née de là aussi. Post-cola, qu'on pourrait dire comme ça, ou en même temps, mais effectivement, il y a eu un impact. Il y a eu peut-être une petite baisse d'énergie et de motivation après le référendum, ouais. un peu moins d'engagement, un peu une autre approche de la musique et aussi une façon d'arriver plus dans son temps, dans les sonorités, qui je pense, est importante dans cette décennie. Philippe Papineau, Sylvain Cormier, Nadia Sarayoko, ça a été un vrai bonheur de faire cette émission avec vous. Merci à tous les trois. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.